Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Shane Fake. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette cinquième saison, le podcast est encore toujours soutenu par la NEF, une coopérative bancaire éthique qui existe depuis 35 ans. Concrètement, ça veut dire qu'elle collecte de l'épargne auprès des particuliers et grâce à cette collecte, elle va financer des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est la banque des 2030 Glorieuses. C'est une banque qui est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires et qu'elle favorise leur implication. C'est une banque éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent. Et c'est une banque transparente parce qu'elle est le seul établissement bancaire à publier l'intégralité des prêts qu'elle réalise et qu'elle ne finance que des projets engagés. Elle me permet d'ailleurs de continuer à interviewer toutes les personnes inspirantes auxquelles je donne la parole dans le podcast 2030 Glorieuse. Et aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre série d'été sur la thématique du pouvoir de l'argent que je donne la parole à Shane Faik, qui est secrétaire général des Licornes. Les Licornes, en fait, si je devais bien les prononcer. Il s'agit de 13 coopératives qui sont réunies sous un même nom, mais surtout pour un même projet, c'est-à-dire de redonner aux citoyens le pouvoir de transformer radicalement l'économie en construisant un modèle économique entièrement coopératif, rien que ça. Ensemble, nous parlerons de comment remettre de la coopération au sein de notre économie pour mieux prendre en compte le temps long et la préservation du vivant dans sa globalité. C'était une introduction un peu longue, Shane, je te donne la parole. En te posant la première question que je pose à tous mes invités, tu es dans un événement où tu rencontres des inconnus et arrive cette question fatidique, et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, je commence par me torturer les méninges un peu à chaque fois, parce que on vit dans un monde où les coopératives sont très très présentes, mais très mal connues. Et donc, je dois leur expliquer que je suis secrétaire général d'une association, d'une alliance qui réunit des coopératives. Bon, ça fait un paquet de termes qui sont pas toujours très compréhensibles, et ça commence mal. Une alliance des coopératives, t'as raison, on a l'impression... En tout cas, moi, pendant longtemps, mon imaginaire de la coopérative était autour des coopératives agricoles, notamment. Donc j'avais du mal à savoir exactement ce que ça voulait dire. Toi, tu es secrétaire général des licornes. Alors si en plus tu utilises le mot des licornes, là tu perds encore plus les gens. Et à la fois, j'ai besoin que tu nous expliques tout ça. Vas-y. Tout à fait. Alors effectivement, moi je viens du monde des coopératives agricoles. C'est là que j'ai appris à découvrir parce que je suis ingénieur agronome. C'est effectivement l'agriculture, c'est un monde qui est riche de ces coopératives et ça c'est hyper intéressant. Mais des coopératives, il en existe dans tous les secteurs, vraiment tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui échappe. J'ai même découvert il n'y a pas longtemps qu'il existait des coopératives par 300 mètres de fond dans des sous-marins nucléaires même, où il y a des coopératives de consommateurs pour les militaires. Assez rigolo. Ouais. Mais il n'y a pas de coopérative de sous-marins nucléaires dans les licornes. Les licornes, ça carbure à une autre énergie, ça carbure à l'énergie de projets d'entreprise engagés sur la transition, une transition environnementale et sociale. Donc ce sont 13 coopératives qui sont engagées, qui sont réunies parce qu'elles partageaient toutes une vision de l'économie qui devait être au service de ces enjeux de transition qui sont importants pour nous aujourd'hui, et qui sont réunies parce qu'elles ont conscience qu'elles sont d'une taille qui est très relative sur leur secteur respectif. Et de quel secteur on parle ? On parle de la mobilité, on parle de la finance, on parle de l'alimentation, de l'énergie, des consommations de seconde main, de la téléphonie, de l'électronique. Nommons-les peut-être, Shane. Je sais que 13, c'est toujours pas évident et que tu vas sans doute en oublier une et que tu as peur de peut-être d'en vexer certaines, mais là, tu nous donnes des exemples très concrets en fait qui vont justement de la NEF à NRCOP, à TELCOP, etc., etc. Vas-y, on t'écoute. Alors, les exemples, alors donc effectivement, sur l'énergie, il y a NRCOP, sur l'alimentation, il y a la coopérative BioCOP, il y a également la coopérative COP Circuit qui fait de la mise en relation entre des consommateurs et des producteurs. Sur le transport, on a la coopérative Mobicop qui fait du covoiturage, Cities qui fait de l'autopartage, Windcop qui fait du fret ferroviaire, fret maritime, pardon. Il y avait la coopérative Railcop dont on peut parler et qui a été liquidée là très récemment sur le fret et le transport de passagers, surtout ferroviaire. En termes d'énergie, on a parlé d'Enercop. Sur les bons cadeaux, il y a la coopérative Ethicado qui sélectionne des produits de conso éthique. Label Emmaüs, qui est la plateforme de mise de vente en ligne des ressourceries et des recycleries Emmaüs, mais pas que. Et on a également la coopérative Tank, qui est une plateforme de documentaires en ligne, documentaires d'auteurs et d'autrices. Et enfin, sur la téléphonie, on a Télécop, un opérateur téléphonique. Un petit geste facile pour enluminer l'utilisation de son téléphone portable, changer d'opérateur téléphonique. Et on a enfin Comorn, qui est une coopérative de location longue durée de petites électroniques. Des téléphones, des ordinateurs et des casques audio, par exemple. Et j'ai parlé de la NEF comme si c'était une évidence, mais rassure-moi, la NEF fait partie des licornes, non ? Tout à fait. La NEF est une des coopératives fondatrices des licornes qui s'occupe donc de questions financières et bancaires. Merci de le rappeler. Évidemment, c'était l'évidence que j'ai laissé de côté. On peut tourner autour encore 30 secondes, s'il te plaît, de la notion de comment se présenter, notamment à travers cette casquette métier. Toi, tu es secrétaire général, ça fait bien sur LinkedIn, mais j'ai du mal à comprendre, moi, ce que ça représente en termes d'impact. Si on devait renommer ton métier en fonction de sa mission concrète, est-ce que tu es... je sais pas, lobbyiste pour une coopération économique totale, que t'es porte-parole, porte-étendard, comment tu le dirais exactement, parce que tu fais un métier comme un autre défricheur coopérateur, je sais pas comment le dire, tu vois. Ouais, le métier de secrétaire général, ce qui est intéressant, c'est qu'il varie beaucoup d'une structure à une autre. Il y a un secrétaire général à Carrefour, à LVMH, et on fait pas le même métier. Ma conception du métier de secrétaire général, qu'on retrouve davantage dans les coopératives, c'est celui d'appui du conseil d'administration, donc des sociétaires élus pour piloter la structure. Et donc mon métier, c'est d'accompagner la présidence et le conseil d'administration sur l'organisation de nos décisions politiques. La particularité que va avoir notre structure, c'est que je suis aujourd'hui le seul salarié, donc je suis aussi bien le secrétaire que le général. voilà. Mais dans l'absolu, c'est s'occuper effectivement de l'organisation, de la prise de décision politique dans la structure, accompagner le CA, voilà, c'est un peu ça. Ce que je vois dans certains endroits, on va voir un peu des questions juridiques, voire administratives. De fait, je couvre toutes ces dimensions-là, mais aussi parce que du fait de la taille de la structure. On se dit là, peut-être que les personnes qui nous écoutent se disent, mais attends, c'est une série sur le pouvoir de l'argent et ils donnent la parole au secrétaire général d'une sorte d'union des coopératives, je vois pas le lien. Et en fait, en première interview de cette série, j'ai donné la parole à Alexandre Poidat qui travaille chez Oxfam et qui nous a fait une sorte... qui a dessiné le paysage de toutes celles et ceux qui actuellement font que justement l'argent continue à avoir ce pouvoir nocif sur notre société et notre environnement. Et parmi les trois axes de travail forts qu'il nous donnait, il appelait notamment à ce que l'argent il soit remis au service des 2030 glorieuses du fait que les entreprises elles seraient plus transparentes, coopératives, qu'elles prendraient davantage en compte le temps long, parce que c'est absolument pas ce que font les grandes entreprises multinationales. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, l'inverse extrême d'une multinationale qui favorise ses actionnaires et qui a pas conscience, ou en tout cas qui veut pas donner de l'importance à son impact négatif, c'est une coopérative. Et les coopératives, elles travaillent, elles incarnent, elles expérimentent au quotidien la nécessité de remettre l'argent à sa juste place. Est-ce que ce lien te semble aussi évident qu'à moi, ou est-ce que c'est que moi qui fais ce lien dans la tête ? Oui, clairement, en 2023, on constatait que le CAC 40 avait versé environ plus de 80% de ses bénéfices en pure rémunération du capital, donc versement de dividendes et rachats d'actions aux bénéfices uniquement des actionnaires. Dans une coopérative, on ne peut pas faire ça. Dans une coopérative, il y a une limite forte qui est mise, d'une part, à la rémunération du capital. Elle est possible, mais de façon marginale. Et dans certaines coopératives, elle est même impossible par décision de la coopérative. Il n'y a pas la possibilité de faire des rachats d'actions et de l'augmentation de la valeur de vente des actions. Et le pouvoir dans une coopérative, il n'est pas fonction du nombre d'actions qu'on détient. Donc c'est pas celui qui a mis le plus d'argent qui va pouvoir faire en sorte décider que l'organisation de la coopérative soit mise tout entière au service de la maximisation de son profit et l'augmentation de son accumulation de capital. Donc c'est complètement une posture différente des entreprises à actionnariat et particulièrement des entreprises cotées, mais pas uniquement. Et ça change tout sur ce sur quoi les décideurs qui sont les sociétaires. Dans une entreprise privée lucrative, on appelle ça les actionnaires. Dans une coopérative, on appelle ça les coopérateurs ou les coopératrices. Dans une coopérative, les sociétaires, ils ne peuvent pas, du fait des statuts des coopératives, s'attendre à avoir une maximisation de la rémunération de leur capital. Donc, c'est pas ça qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent, c'est que la coopérative, elle maximise la réponse à leurs besoins. Dans une coopérative agricole, ça sera vendre mieux les produits qui sont récoltés dans les exploitations agricoles. Dans une coopérative de consommateurs, ça sera d'améliorer la qualité des produits vendus ou baisser le prix. Dans une coopérative de travailleurs, ça sera d'améliorer la rémunération des salariés. Et dans une société coopérative d'intérêt collectif, ce qu'on appelle aussi une SIC, qui sont des coopératives avec plusieurs utilisateurs, plusieurs types d'acteurs, l'objectif, c'est de trouver un point d'entente entre des consommateurs, des salariés, des fournisseurs, des collectivités également, et de répondre soit à la plus juste répartition de la valeur entre les acteurs, soit à la réponse la plus performante et la plus plus orientée sur l'utilité sociale et l'intérêt général à un besoin donné sur un territoire ou dans une filière. Je suis un peu en colère, Shine, parce que en fait, quand toi tu me parles de tout ça, ça me semblait tellement évident, tellement essentiel, tellement indispensable à notre société que au début de l'interview, quand tu me dis c'est vrai que les coopératives, les gens qui vivent en France ont pas trop connaissance de ce que c'est une coopérative et du fait qu'il y en a partout, moi ça me met en colère. Ça me met en colère parce que en fait, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, comme dirait l'autre, et vous avez des pouvoirs qui sont extraordinaires parce que vous représentez, vous défendez, vous portez, vous déployez les 2030 glorieuses sur le fond, sur la forme. Vous incarnez cette économie dont on dit justement que elle est irréaliste, elle est utopiste, elle nous permettrait pas de faire en sorte qu'on puisse produire justement en prenant en compte le temps long, en faisant que tout le monde vive dignement et que ça ne détricote pas trop le vivant, voire même que potentiellement ça le régénère. Et pourtant, en fait, vous êtes encore une minorité. L'économie sociale et solidaire en France, si je ne dis pas de bêtises, ça représente 10% de la masse salariale. Et ça reste dans l'imaginaire anecdotique. Est-ce que toi qui as la tête là-dedans, dans ce guidon-là, depuis, j'ai cru comprendre, le début de ta carrière, tu as une capacité d'analyser le pourquoi cette méconnaissance, pourquoi je tourne autour du terme, mais pourquoi vous êtes pas ce manque de visibilité et pourquoi cette évidence elle est pas partagée par autant d'autres personnes en tout cas. Ce qui est fascinant, c'est que il faut redire une chose, il faut remettre les coopératives et l'économie sociale dans son contexte, c'est-à-dire que on parle pas d'un petit truc nouveau qui vient d'être inventé. Les coopératives, elles ont plus de 170 ans. Elles sont créées au début du 19e siècle, pour répondre aux mêmes enjeux que nous avons aujourd'hui, de protection des salariés, protection des consommateurs, d'émancipation, de réappropriation de l'économie face à ce qui devait être le début du capitalisme industriel, et certainement de ce qu'on appelle aujourd'hui, entre autres, le capitalocène. En parlant de cette marque du capitalisme sur notre climat, et pas que. Donc on parle de quelque chose qui a plus de 170 ans et qui représente aujourd'hui, je ne parle que des coopératives, 22 500 coopératives en France. C'est assez considérable, on en connaît énormément, on ne sait pas toujours quelles sont des coopératives, et c'est assez triste effectivement. Alors pourquoi cette situation? Certainement y a-t-il une responsabilité qui est interne au mouvement coopératif, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a un mouvement coopératif qui est déjà très structuré et qui a théorisé des utopies coopérative avec un plan de développement des coopératives. Charles Gide, l'économiste, au début du XXe siècle, a théorisé un projet de république coopérative, basé surtout sur la république, sur les coopératives de consommateurs, avec leur développement, à l'instar de ce qui a été pensé dès le milieu du XIXe siècle par une coopérative anglaise, les Équitables Pionniers de Rochdale. Donc aujourd'hui, est-ce que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, peut-être que le mouvement coopératif, les mouvements coopératifs, parce qu'il y a plusieurs familles coopératives, sont un peu effacés et ont effacé leur ambition de transformation de la société. Donc ça, c'est certainement une responsabilité interne. Il y a d'autres facteurs peut-être qu'on peut imaginer, comme celui, je fais l'hypothèse d'une héroïsation du self-made man à partir des années 80, une dénigration systématique du collectif, avec l'imaginaire de la fin de l'histoire, le néolibéralisme qui s'impose, There is no alternative de Margaret Thatcher, tout ce qui est collectif, c'est le passé soviétique, et donc c'est mal. La chute du mur de Berlin est peut-être une forme de chute de l'imaginaire du collectif, en tout cas une chute temporaire, parce que je pense que depuis au moins 20 ans, cet imaginaire reprend de la force, et on a vu de belles aventures coopératives être mises en lumière. Je pense notamment aux salariés de l'entreprise, enfin de la marque Elephant, Unilever, qui ont repris leur entreprise contre un projet de délocalisation. Et aujourd'hui, cette année, on fête les 10 ans de Scopti, ces salariés qui ont repris la fabrication de thé et d'infusion dans le sud de la France. On a des très belles aventures de reprise d'entreprise. Et puis, on a ces 13 coopératives qui décident de hausser un peu le ton, je parle des licornes évidemment, qui se jouent du fantasme de la start-up, d'où notre nom. La licorne, c'est la start-up qui a réussi à être cotée, valorisée 1 milliard de dollars hors bourse. Nous, on y rajoute un O et on fait un peu un pied de nez à ces coopératives, parce que notre but n'est pas d'être valorisé à 1 milliard d'euros ni de dollars, mais c'est de transformer la vie des gens, de transformer les rapports de production, de transformer l'impact qu'ont ces productions sur nos environnements et nos vies, nos conditions de travail, etc. Ouais, bah, du coup, tu as anticipé ma dernière question, donc c'est parfait. Mais je voulais t'entendre justement sur ça, parce que c'est vrai qu'en général, quand on parle de coopérative, on va tout de suite parler des outils, on va parler de la technique, on va parler de comment on réussit à faire en sorte que justement, il y ait des garde-fous qui permettent de limiter cette folie que peut générer l'argent et qu'on voit jusqu'au cinéma avec quelques grands films qui sont devenus emblématiques, pour justement t'emmener sur cette question de bah, comment vous avez décidé de reprendre le combat des imaginaires et de montrer que effectivement une coopérative c'est désirable et que ça a fait appel pas que à la rationalité mais surtout aux émotions. Et je pense que l'incarnation à travers les exemples que tu as cités, ça fait partie des bonnes pratiques. Je pense que l'humour, comme vous en faites l'utilisation avec les licornes, c'est aussi quelque chose d'important. J'aurais tendance à dire aussi qu'il y a besoin de plus se positionner au niveau médiatique. Peut-être que c'est la dernière question en 30 secondes sur laquelle j'aimerais t'entendre. On voit des grandes entreprises lier leur destin à des médias parce que c'est important de raconter, c'est important comme tu le disais d'avoir cette héroïsation du capitalisme, du self-made man et de l'actionnaire qui profite de la vie à très court terme. Comment vous faites aussi pour raconter tous vos succès dans la presse? Est-ce que vous avez des liens privilégiés? Est-ce que vous le faites de manière stratégique ou est-ce que pour l'instant ça reste encore quelque chose un peu à explorer? On n'a pas acheté de médias avec les licornes. Il y a quelques coopératives bancaires notamment qui l'ont fait sur la presse quotidienne régionale. Je ne sais pas dire si c'est une bonne nouvelle pour cette presse-là. Notre lien, alors il faut avoir en tête qu'on n'a pas des budgets de communication qui sont phénoménaux. Elles sont rares, nos coopératives qui font parmi nos coopératives, en tout cas les 13 dont je parle, qui font la pub en masse, et aussi par positionnement, par doctrine, on va dire, outre la question des moyens. Mais associé à ça, effectivement, on essaye de communiquer avec sur les réseaux sociaux, d'une certaine façon, avec l'humour lié, effectivement, le ton un peu humoristique, piquant qu'on peut avoir à l'égard du monde de la start-up. On est en train d'imaginer non plus la French Tech, mais de revendiquer la French Coop, donc des dispositifs de soutien aux coopératives plutôt qu'aux start-up de la technologie. Et nos relations avec les médias sont pour l'instant, on essaye de leur parler de nos projets. On a des médias qui viennent nous voir. On est plus proche des médias indépendants, évidemment, des médias engagés sur les enjeux de transition, notamment. On est proche de quelques coopératives. Je pense à la coopérative Blast. Blast, c'est une coopérative? Tout à fait. Blast, c'est une coopérative. Ah, je savais qu'Alternative économique, je savais que l'âge de fer, c'était des scopes, mais je savais pas que. Et l'âge de fer, on les croise aussi souvent. On organise un événement tous les ans qui s'appelle l'Onde de COP. Cette année, il aura lieu le 12 septembre et portera justement sur la transformation des imaginaires. Et l'an passé, Blast nous avait fait le plaisir de couvrir certaines de nos conférences et de les rediffuser. Et on continue d'échanger avec eux, on continue d'échanger avec d'autres, et on espère voir se développer des outils aussi pour le développement des médias indépendants. Shane, on creuse pas plus ces sujets qui me passionnent. On va partir en 2030 glorieuse. Avant ça, l'invité nous fait toujours le cadeau d'une lecture qui ouvre une fenêtre vers les valeurs qu'il a envie de voir se développer en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu vas nous offrir, toi, comme bulle d'inspiration? Alors, je vais lire un extrait de l'introduction du livre qui s'appelle « La République coopérative ». Il a été écrit par un chercheur qui s'appelle Jean-François Drapry en 2012, et il retrace en fait un siècle et demi de l'histoire du mouvement coopératif dans le monde entier. C'est vraiment un balayage passionnant de ce qu'ont été les réflexions des coopérateurs à travers le monde, confrontés à toute une diversité de, de, de difficultés, mais aussi d'enjeux et d'opportunités. La République coopérative en marche. À quelles conditions un mouvement coopératif est-il possible ? En France, comme dans tous les pays du monde, les coopératives s'inscrivent dans une histoire économique, sociale et politique. Aujourd'hui, nombre de coopératives doivent faire face à une économie capitaliste dont les valeurs et les fonctionnements sont différents ou opposés à leurs valeurs et à leur propre fonctionnement. Par nécessité, ces coopératives se concentrent sur les conditions économiques et gestionnaires de leur survie en tant qu'entreprise. D'autres coopératives ambitionnent de définir une autre économie et un autre rapport entre l'économie et la société. Ces deux réalités peuvent-elles renvoyer à un même projet ? Peuvent-elles faire mouvement ? En réponse à cette question, ce livre avance l'hypothèse suivante. En l'absence d'une pensée propre, les coopératives sont condamnées à abandonner tout projet fédérateur et finalement à se fondre dans le capitalisme. Par pensée propre, nous entendons, d'une part, une pensée réflexive sur les pratiques coopératives, qui consiste à confronter ces pratiques aux valeurs et principes coopératifs, et prendre la forme d'une théorie, et d'autre part, une pensée projective qui prend, dans l'histoire du mouvement coopératif, la forme d'une utopie que, reprenant l'expression de Charles Gide et d'Ernest Poisson, nous nommons « République coopérative ». Ça tombe bien, les utopies, nous, en 2030 glorieuse, c'est absolument ce qu'on pratique. Et puis d'ailleurs, on vient de partir en 2030 glorieuse. Ça va être notre exercice utopiste du jour, Shahine. Je te propose qu'on tire le fil de la conversation qu'on vient d'avoir pour imaginer à quoi ressemblerait la France si jamais on avait réussi. Et donc, à nous, parce que la conversation n'existe que dans nos deux têtes à nous, de faire en sorte qu'elle soit la plus concrète possible, cette conversation, la plus illustrée, la plus tangible possible pour que les personnes qui sont, elles, restées en 2024 et qui nous écoutent puissent bien être en capacité de se projeter dans nos 2030 glorieuses. Donc, on va parler de ces 2030 glorieuses au présent, on ne va pas utiliser le conditionnel. Et si on utilise le futur, ce sera pour parler des 2040-2050 glorieuses, bien évidemment. Et ma première question pour toi, Shahine, c'est toi qui es en 2030 glorieuse, là. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes par la fenêtre? Et la fenêtre de quoi, d'ailleurs? Est-ce que tu es à ton bureau? Est-ce que tu es chez toi, dans ton salon? Raconte-nous. Par ma fenêtre, je vois des gens qui ont du temps, qui ont plus de temps. Et pour une raison toute simple, c'est que ils sont pas, leur temps n'est pas phagocyté par des outils... d'incitation à la consommation, ils sont pas harcelés par des publicités, parce que si le marché existe toujours, la compétition n'est pas la norme absolue. Elle se poursuit, elle est possible entre les entreprises coopératives aujourd'hui encore, mais elle est plus érigée comme le dogme absolu et la solution à toute chose, ce qui fait qu'on est moins dans la pression à la production individuelle et on est moins dans l'incitation à la consommation individuelle. Ouais, c'est fou, hein. Tu te souviens, il y a quelques années en arrière, moi je trouvais vraiment que la ville c'était un espace de déambulation. On allait d'un point A à un point B, mais jamais on pouvait s'y ennuyer et se laisser aller à la contemplation, à l'ennui ou à l'échange comme ça, complètement... en laissant la surprise faire, le hasard faire. Et je me rappelle, moi qui suis d'origine espagnole, ça me choquait de voir que quand j'allais chez ma grand-mère en Espagne, au contraire, devant les gens, devant leur maison, bah, tout le monde avait des chaises sur le trottoir, grignotait un truc, jouait avec les enfants et puis discutait avec toutes les personnes qui étaient de passage. Et nous, on a repris un peu ce flow que j'identifiais à quelque chose d'un peu méditerranéen, de regarder ce qui se passe dans la rue, de commenter le quotidien avec les gens de passage et de laisser un peu plus de place au hasard, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi cette fièvre qu'on observe de discussions politiques à bâtons rompus, puisque le champ de la discussion politique s'est élargi à la politique des entreprises. Et on a des voisins qui ne travaillent pas dans la même entreprise coopérative, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, et qui comparent les ambitions politiques de leur structure, et par ambition politique, j'entends ce que leurs entreprises veulent transformer dans la société, quoi. Et c'est Ouais, tu touches du hyper doigt riche. quelque chose de clé, puisqu'il y a 10 ans en arrière, on était incapable de se parler et faire de la politique, c'était vu comme un gros mot. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que, en fait, l'autre était une richesse. Et donc, grâce à cette altérité, grâce à la différence, on avait des conversations, on avait des idées, on avait des projets qui étaient bien plus puissants que ce qu'on avait à l'époque, là où on était un peu chacun dans nos couloirs individualistes, avec le sentiment d'être en mode pilote automatique. Et ça, c'est vraiment parce que aujourd'hui, la coopération, elle a infusé dans notre société à tous les niveaux. Et on se rend compte que parce qu'on a des outils, parce qu'on a des techniques, parce qu'on a eu des expérimentations irréversibles de coopération, on arrive justement à refaire de la politique dans le bon sens du terme. Et comme tu le dis, au niveau économique, mais en fait aussi au niveau de notre quartier, au niveau de notre pays, etc., etc. Oui, c'est ce que les gens disent, hein, dans les témoignages qu'ils font aux médias coopératifs. C'est que l'expérience de le passage par une coopérative, ça les transforme. Ça les transforme dans la considération qu'ils ont de la place qu'ils ont dans la société au sens de l'entreprise, mais aussi dans le sens de la société en général. Ils ont clairement aujourd'hui, il n'y a pas une personne que tu croises qui ne dit pas, bah moi. La participation aux assemblées générales de mon entreprise, bah ça m'a fait apprendre à prendre la parole, à opposer mes arguments, à écouter ceux des autres avec lesquels je n'étais pas d'accord et je ne suis toujours pas d'accord, mais savoir y répondre, savoir les entendre. Non, c'est clair que c'est une véritable école de la démocratie dont on parle tous les jours aujourd'hui. Et justement, est-ce que c'est pas les entreprises coopératives 10 ans en arrière, en mettant encore plus de transparence, en mettant un petit peu en scène d'une certaine manière ce qui se jouait à l'intérieur avec, comme tu le dis, les apprentissages, les révélations, les tensions, mais fertiles cette fois, qu'on n'a pas repris un peu le goût de refaire de la politique partout, tout le temps. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des séries télévisées, j'allais dire, j'imagine même des sortes de love story de la coopérative X ou Y qui montraient un peu les coulisses, un documentaire sur Netflix? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des influenceurs qui venaient faire des immersions aux coopératives pour montrer à quel point c'était cool? Comment on a réussi à rendre ça sexy? Moi, j'avais envie de te poser cette question. Je pense que le fait que les Nations Unies ont décrété l'année 2025 comme une année internationale des coopératives, ça a été un sacré boost, hein. Il y a eu les coopératives s'en sont emparées, mais pas que les coopératives, les syndicats, les associations, les politiques également, et les acteurs de la culture ont vraiment fait quelque chose et on a vu fleurir des fictions. Et je pense que c'était ça qui a vraiment le plus joué au-delà des documentaires. Il y en a eu un paquet de documentaires, mais les fictions qui mettaient la coopérative comme un objet presque de décor, de paysage de leur histoire, ça a vraiment marqué beaucoup de monde parce que c'est là où on s'est le mieux projeté, quoi. Moi, C'est j'adore vrai le slogan, hein, c'est vraiment coopérative partout, injustice nulle part, quoi. Ah ben non, au contraire. Injustice nulle part, j'ai bien dit ça. Injustice nulle part, Injustice j'avais nulle part. malentendu. Ouais. Alors, aujourd'hui, il y a encore des problèmes, hein, mais ce qui est riche, c'est que les coopératives offrent plus d'espace pour discuter de ces problèmes. On n'a pas tout résolu, mais on voit bien qu'on est capable de pas se résigner face à l'existence de soucis. Et ça, c'est clair que ça donne du grain à moudre à chacun et de l'espoir quelque part, du désir de transformer les choses, pas juste de se vautrer dans la dépression et dans son canapé face à des situations compliquées, quoi. Bah justement, tu parles de richesse, Shane, et tu te souviens que les entreprises à l'époque, bah, elles se comparaient, elles se flattaient en fonction de leur capacité à générer des richesses économiques, et donc on parlait beaucoup du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a développé un nouvel indicateur, on en a plein en réalité, mais il y en a un phare qui est obnubile les entreprises, c'est l'indice de coopération. Est-ce que tu peux m'en parler de cet indicateur, s'il te plaît? Ah oui, c'est un indice bon, qui est multifactoriel, hein. Il est un peu décomposé en plusieurs éléments, mais l'indice de coopération, c'est vraiment l'indicateur clé aujourd'hui. C'est à la fois l'indice de la coopération au sein de l'entreprise, donc le niveau de démocratie dans l'entreprise. Et alors ça, il y a des vraies compétitions, des vraies comparaisons entre entreprises à qui fait le mieux vivre sa démocratie interne. C'est vraiment assez riche d'enseignements pour tout le monde. Il y a aussi l'indice de coopération entre les entreprises. À quel point elles sont capables de travailler ensemble, de faire travailler d'autres coopératives, de valoriser la richesse et l'expertise de d'autres entreprises pour progresser et faire avancer la réponse à un besoin social, quoi. Oui, on disait que la compétition à l'époque, c'était vraiment le moteur des entreprises. Aujourd'hui, on a compris que c'est la coopétition qui est le moteur des entreprises. Oui, d'une certaine façon, hein. Oui, complètement. On voit des coopératives. On avait vu déjà des bribes en 2024 entre des coopératives de téléphonie qui s'associaient à des coopératives de microélectronique, enfin de petite électronique, hein, comme Télécoop et Common, par exemple. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, si on peut dire. Et effectivement, des coopératives d'un territoire ou d'une filière qui bossent avec d'autres pour pouvoir développer une offre qui réponde le mieux aux besoins des usagers. Ça, c'est la norme, quoi. Si bien que du coup, ce modèle coopératif, il a transpiré, il a débordé largement. On a la République coopérative qui est devenue une normalité en 2030 glorieuse. Si tu as envie d'en parler, raconte-nous, c'est chouette. Mais on a aussi en fait des processus de coopération qui ont été adaptés dans tous les lieux de passage qu'on va à un moment ou un autre traverser dans notre vie, à savoir l'école, à savoir le supermarché, à savoir l'association sportive, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a envie de donner notre avis, on a envie de participer, on n'a pas simplement envie d'être un utilisateur consommateur. Oui, tout à fait. La République coopérative, aujourd'hui, bah, effectivement, c'est ces chaînes de coopératives, enfin, c'est, pardon, pas ces chaînes, mais ces coopératives liées les unes aux autres qui sont un peu partout sur le territoire. Le mot coop qui est visible sur les façades des différentes sociétés et qui nous parle d'autre chose que les logos qui coûtent des milliers d'euros qui pour distinguer une image de marque plus luxueuse, etc. Voilà la présence un peu de cette République coopérative. Dans les différents secteurs de la vie, on le voit, dans les immeubles, il y a des coopératives d'utilisation d'outillage, l'outillage qui ne sert pas au quotidien est partagé entre différents utilisateurs, plutôt que d'acheter chacun sa perceuse. Moi, mes voisins, ils sont arrangés avant que j'arrive dans l'immeuble et ils ont acheté une perceuse, un marteau, un set de clés et on est tous coopérateurs de l'immeuble et on a accès à ce matériel-là. Il y a la même chose dans différents secteurs, différents endroits. Évidemment, on n'utilise pas chacun sa voiture, mais ça aujourd'hui c'est une évidence. Mais il faut s'imaginer que il y a une dizaine d'années, les gens qui utilisaient une voiture coopérative, bah, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Il y avait même un personnage qui parlait de son amour pour la bagnole. Aujourd'hui, bon, bah, la bagnole, on l'aime encore pour les services qu'elle peut nous rendre ponctuellement, parce qu'elle est utile, mais tout le monde n'a pas sa voiture, quoi, évidemment. Donc voilà, effectivement... On coopère pas que dans les entreprises, on coopère à différents endroits, dans l'enseignement évidemment, on coopère dans la recherche, on coopère à plein d'endroits et ça s'est aussi traduit sur dans le prolongement de d'autres outils. Aujourd'hui, avant, on avait déjà cet outil formidable qui était la sécurité sociale, qui nous permettait de mutualiser de l'argent pour notre santé. Maintenant, on a développé d'autres formes de sécurité sociale sur l'alimentation. C'est toujours l'esprit de la coopération. On met nos ressources ensemble pour développer nos qualités de vie. Alors, on l'a fait aussi pour l'énergie, on l'a fait pour les transports. Non, vraiment, on s'est doté de tout un tas d'outils qui débordent largement de la question de l'économie pour répondre à nos enjeux, les enjeux de notre société, quoi. Toi, tu fais quoi chez Aina en 2030 Glorieuse ? Moi, en 2030 Glorieuse, je suis sommaire de coopérative. Je vais dans des territoires où il y a encore des difficultés à développer les coopératives. Et je viens accompagner des gens qui ont envie de répondre à leurs enjeux, leurs difficultés, et à monter des coopératives. Ouais, je pense que je fais ça, ouais. Je fais ça aujourd'hui. Et si jamais on doit revenir tout doucement en 2024, Shane, et que les gens qui nous écoutent, elles nous disent bah, « Ok, moi je veux de la coopérative de partout, par quoi je continue là, tout de suite, sans attendre, le podcast se termine. C'est quoi ma prochaine action ? Toi, tu leur recommandes quoi ?» La prochaine action, c'est d'aller se renseigner tout de suite sur les coopératives et de commencer à découvrir la diversité des coopératives qui existent. Une action rapide, c'est de découvrir l'Alliance des Licornes, d'aller voir les 13 coopératives qui offrent déjà des alternatives, peut-être de s'inscrire à l'onde de COP le 12 septembre 2024 pour pouvoir aller découvrir une centaine de coopératives engagées sur les enjeux de transition, aller consulter le site des unions régionales des SCOP et des SIC pour découvrir ce que c'est et se dire que nous aussi, on peut bâtir une coopérative ou en rejoindre une autre. Voilà ce que j'imagine, ce qu'il faut faire là, je pense, en raccrochant du podcast. Merci Shane. Merci Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 Glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 Glorieuse à côté de chez vous. Salut !